Donc, bonjour pour un nouveau blog Vertigo. Nous sommes en présence de Laurent Lepage, professeur de sociologie, spécialiste des politiques publiques à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal et travaille depuis un certain temps sur les questions d'adaptation au changement climatique. Il est même un des experts de la télétravail sur les changements du climat, l'environnement et l'immigration qui est organisé par l'Organisation internationale des migrations, le programme d'environnement de l'ONU, sous l'égide de l'Institut de l'environnement et de sécurité humaine de l'Université des Nations Unies qui est basée à Bonn. Bonjour. Bonjour. Ma première question, vous avez fait un texte qui a été soumis lors de cet atelier-là, qui parle beaucoup des questions d'impact et en fin de compte qui remet en question le fait que l'adaptation serait vue sous l'égide des impacts et des modélisateurs. En fait, il faut voir qu'historiquement, les premiers à lancer des alertes concernant le bouleversement du climat, c'est les climatologues, les gens des sciences physiques, puis ensuite naturelles, qui ont tenté de modéliser et ensuite d'évaluer les impacts possibles du réchauffement de la planète. Et donc, dans ce contexte-là, rapidement, la question n'était pas seulement sur la contribution des activités humaines quant à ce phénomène de réchauffement, mais aussi comment allons-nous y faire face. Et dans une logique tout à fait prévisible, ces mêmes experts du climat sont mis à s'intéresser aussi à comment pouvons-nous réduire les impacts qui sont annoncés. Donc, ça s'est fait dans un mode de raisonnement assez simple. Comment il y aurait éventuellement moins d'eau à certains endroits, plus de pluie à d'autres, diminution des couverts de glace, par exemple, qui pourraient affecter des activités traditionnelles comme la chasse et la pêche dans les univers nordiques. Et donc, une fois qu'on a apprécié ça, bien évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'est intervenu par la suite les gens qui arrivaient plus de mon itinéraire, c'est-à-dire des sciences humaines, des spécialistes des politiques publiques qui sont mis à s'interroger sur la vulnérabilité. Donc, on a opposé, il y a quelques années, des analyses basées et centrées sur les impacts, donc sur la sensibilité de certains écosystèmes et certaines communautés. Et on est passé à un examen, une appréciation, une évaluation de la vulnérabilité des communautés pour faire face à ces impacts-là. Donc, c'est un changement de paradigme, si on veut, mais c'est celui qui domine actuellement la discussion sur comment nous, pays du Nord, allons pouvoir tendre la main de façon utile dans nos projets de coopération et d'aide à des communautés. Il faut passer par un raisonnement d'évaluer la vulnérabilité de ces communautés-là et de leur fournir les moyens utiles pour qu'ils développent sur leur propre base, dans leur propre logique culturelle et politique, des réponses. Voilà un peu comment un problème se présente aujourd'hui. Donc, un changement quelque part de paradigmatique de l'intervention, mais qu'est-ce que ça demandera, ce passage-là officiel? Vous parlez beaucoup dans votre texte des questions d'interdisciplinarité dans les questions d'adaptation. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur cette... En fait, on devine que, qu'on est au Sahel ou dans le très grand nord du Québec, on est en face de vulnérabilité, mais ce ne sont pas des vulnérabilités comparables. Donc, il faut savoir apprécier la nature du lien entre l'homme et son environnement, sa dépendance aux ressources naturelles, les moyens dont il dispose au plan des infrastructures, du type d'économie, des types de savoirs qui sont utilisés, de la proximité de d'autres phénomènes, par exemple, une explosion démographique au Sahel qui va venir aggraver la vulnérabilité de ces populations-là. Donc, il faut avoir des regards croisés sur la question de la vulnérabilité en appréciant le cadre institutionnel, la situation, par exemple, de sécurité alimentaire dans certains cas, la qualité des infrastructures, la capacité de ces propres communautés-là à transformer, à modifier leur mode de vie. Et évidemment, ça présuppose des regards affinés qui vont s'entrecroiser pour donner un aperçu englobant. Aperçu en global nécessaire, pourquoi? Parce que c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir construire des réponses utiles avec les communautés. Mais la question qu'on se pose souvent, on dit, c'est toujours la bonne intention de dire qu'il faut des recroiser, mais comment obtenir ces chercheurs-là, des records croisés de ces chercheurs-là qui apportent différentes visions, c'est le comment. Dans une question d'interdisciplinarité, il y a le comment souvent qui se pose. Oui. Ben, en fait, moi, je suis de l'école qui croit que l'interdisciplinarité, ça se construit très souvent à l'échelle de la spécificité d'un problème. C'est-à-dire que face à un problème de qualité et de quantité d'eau, on peut avoir un hydrologue qui pose un jugement, mais très rapidement, on va avoir un spécialiste de la santé, on va avoir éventuellement un spécialiste des politiques publiques ou même du financement, de la gestion intégrée de l'eau, d'un géographe. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de voir comment ces différents éléments vont pouvoir s'entrecroiser pour construire une réponse spécifique. Donc, c'est dans la résolution des problèmes spécifiques que, pour moi, la véritable interdisciplinarité se construit, se vit et est porteur éventuellement de solutions utiles. L'interdisciplinarité à l'échelle de l'enseignement, c'est une chose. C'est assez généreux, généralement. Ça présuppose énormément de souplesse intellectuelle, de respect du regard des autres. Mais rendu sur le terrain, il s'agit donc d'une équipe avec des qualités différentes, des expertises différentes, qui sont animées par un même problème. C'est comment pouvons-nous venir en aide ou donner les moyens à une communauté de se tirer d'affaires. Le bouleversement qui attend ces communautés-là, suite à l'enchaînement des sécheresses, si je parle d'une région que je connais le mieux qu'est le Sahel, vous devinez tout ce que ça présuppose comme mobilisation de ressources humaines et financières, mais aussi des connaissances spécifiques. Si l'interdisciplinarité se base sur une approche par problème quelque part, est-ce que les résultats des recherches sont extrapolables à d'autres régions ou... Ben, il y a certainement des dénominateurs communs, il y a des recettes qui ont pu fonctionner dans une partie du monde qui peuvent servir d'inspiration pour d'autres collègues. Moi, je me rappelle, j'étais très influencé suite à une rencontre de collègues au Bangladesh qui faisait état de la reconversion d'un petit village qui avait l'habitude de faire de l'élevage du poulet, mais suite à un enchaînement d'inondations, ils ont modifié leurs pratiques pour passer à un problème de réduction de la vulnérabilité de leur activité économique. Ils sont passés à l'élevage du canard. Ça fait presque sourire. Mais en fait, on voit là que le génie de la communauté, c'était d'utiliser ses connaissances, utiliser aussi le réseau de distribution qui était leur. Donc, ils fournissaient de la volaille aux communautés voisines. Ils ont respecté ça. Ils s'y connaissent de cette façon-là. Ils ont fait un petit ajustement qui est peut-être très précaire finalement. Mais c'est là qu'on réalise que beaucoup de nos interventions dans les situations de vulnérabilité doivent aussi connecter avec les dynamiques locales, avec les savoirs locaux, avec la sensibilité des populations dans un immense respect de leur capacité d'adaptation, longuement démontré depuis des siècles. Il s'agit évidemment de ne pas imposer le regard de l'occidental du pays du Nord. Il faut pouvoir faire un maillage qui, évidemment, est au service de la communauté dans la réduction de sa vulnérabilité. Merci. Si on continue sur l'article que vous avez soumis à cet atelier qui avait lieu à Bonn, enfin, je crois que c'est une série d'ateliers. Oui, c'était à Munich, oui. Mais c'était le deuxième. Moi, c'est la troisième fois que je participe avec ses collègues. C'est un lieu d'échange. Les gens arrivent avec des idées, tentent de construire des agendas de recherche, voient comment leurs savoirs respectifs peuvent améliorer leurs propres pratiques de recherche, mais aussi éclairer des organismes comme l'Organisation internationale pour la migration, l'UNEP, ces organismes évidemment qui sont très en demande par rapport à leurs missions respectives. Comment allons-nous, dans le cas de l'Organisation internationale pour la migration, composée avec une nouvelle vague de migrants, des migrants environnementaux, comment peut-on apprécier l'importance de ce phénomène-là? Pouvons-nous mettre un calendrier là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce que les phénomènes se manifestent déjà, de déplacement de population? Et donc, c'est en croisant encore là les expertises et les travaux de différents collègues. Moi, j'ai évidemment raconté un peu, à partir de nos observations sur le terrain, de déplacement de population au Sahel, qui est une mesure d'adaptation à toute fin pratique. Hein? Et vous parlez, entre autres, du syndrome de l'entomologiste. Est-ce que vous pouvez expliquer en détail? C'est tout... sourire qu'on interpelle parfois nos collègues qui viennent des sciences biophysiques, qui ont plutôt tendance à regarder le terrain de très loin et à s'imaginer que la moindre transformation dans l'environnement physique d'une communauté va déclencher des réponses qui sont quasi automatiques, qui sont quasiment inscrites dans les logiques intuitives de ces communautés-là, comme si en jetant une goutte d'eau dans une fourmilière, il y aura automatiquement une réponse qui est déjà codée, qui est déjà inscrite quasiment dans le patrimoine génétique des fourmis. Alors bon, c'est une caricature pour dire attention, les communautés ont une capacité de développer des réponses qui sont d'un autre ordre que simplement la réponse à un stimulus physique. Il y a des institutions, il y a des savoirs, il y a des transformations de mode de vie qui sont à la portée de ces communautés-là. Donc, on ne devrait pas les regarder simplement comme des victimes, mais aussi potentiellement comme des communautés capables d'inventer des solutions. Oui, dans vos recherches, vous parlez beaucoup de... dans ce texte-là, vous parlez entre autres de rationalité, donc ça réfère à cette idée-là du syndrome de l'entomologie. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut pas réduire les gens qui subissent la transformation de leur environnement à une question de rationalité étroite et limitée. C'est plutôt le contraire. C'est une rationalité ajustée, contingente, construite sur une série d'éléments qui sont évidemment variés. On compte sur l'entraide internationale, on compte sur l'adaptation des semences, par exemple, on compte sur l'inventivité de certains agriculteurs, on compte sur l'ajustement un petit peu de l'aménagement du territoire. Donc, tous des éléments entrecroisés qui peuvent, autant soit peu, réduire la vulnérabilité des populations. La question de fond, c'est jusqu'à quel point on va pouvoir y arriver. Est-ce qu'on est en train de gagner du temps ou est-ce qu'on ne devrait pas déjà commencer à imaginer comme un des éléments d'adaptation justement le déplacement de certaines populations, comme ce sera inévitable dans le cas de certaines grandes villes côtières qui, suite à l'élévation des niveaux d'eau, vont devoir s'ajuster. La différence, c'est que entre l'ajustement d'une ville comme Shanghai et puis une ville très très pauvre du Bangladesh, où à Shanghai, on aura les moyens de refaire un front de mer. Au Bangladesh, on va simplement pousser encore une dizaine de millions sur cet espace de plus en plus étroit où on devine qu'il y aura énormément de difficultés à assurer la paix, l'équilibre et le développement de ces communautés-là. Ou Lagos au Nigeria, qui est aussi sur une plaine inondable. 10 millions de voix, si j'ai de bonne mémoire. Voilà, avec des tensions entre les communautés, avec des jeux très difficiles entre les organismes internationaux qui tentent d'assurer la paix, les grands exploiteurs du pétrole et d'autres richesses naturelles qui mettent très souvent les communautés les unes contre les autres dans un contexte aggravé, bien évidemment, par la transformation du milieu. C'est ce qui nous attend un peu, sans être totalement pessimiste. Mais là, on sait que ça va arriver. Maintenant, quels moyens déjà mettre en place pour faire en sorte qu'on ne balancera pas des sacs de nourriture par des hélicoptères qu'on fait dans des situations de crise et de catastrophe, mais bien les bien incorporer déjà dans nos façons de traiter, d'aider, de coopérer avec ces communautés, ces pays-là, déjà d'inclure dans notre approche des éléments susceptibles de réduire la vulnérabilité et donc de réduire la pauvreté. Évidemment, c'est une stratégie extrêmement porteuse de renforcement de communauté. Donc, est-ce que c'est cela, donc, que lorsque vous parlez de community-based approach, oui, donc des approches basées sur les communautés, c'est un oui peu ça, c'est de oui se oui baser sur la structure sociale en place pour oui la, oui, la rendre oui plus solide et la rendre résiliente. Pas si le mot est résilience. Oui, okay. On utilise beaucoup ces mots-là. Oui, oui. Ben, l'idée, c'est d'approcher le problème par le respect de ces communautés-là, d'abord, sur un plan éthique, mais aussi en reconnaissant que ces communautés-là ont déjà des ressorts. Et donc, c'est en composant avec cette réalité-là qu'on va pouvoir insuffler un petit peu plus de résistance, de capacité de développement, et non pas de parachuter des solutions qui sont conçues en Amérique du Nord, qui sont mises en place là-bas par des ingénieurs qui vont dire il n'y a qu'à construire une digue, il n'y a qu'à détourner la rivière, et là on voit pleinement pourquoi ça n'a pas été imaginé sur place, c'est parce que ça transformerait les modes de vie. Donc c'est ça que ça veut dire, regardons les communautés et respectons déjà leur capacité d'agir, soyons là comme en appui, donnons des ressources, partageons des expériences et des connaissances, rendons autonomes aussi ces communautés-là, et c'est pour ça que je parlais de pauvreté tout de suite. Et donc, c'est dans cet esprit de construire sur la base de l'existant, et non pas de l'imaginer sur des planches à dessin. Vous faites des recherches, bon, on a parlé du Sahel, on a rapidement parlé du nord du Québec, okay. Les Inuits, mm-hmm. Bon, région éloignée, très pauvre, mais vous travaillez aussi en milieu urbain, on vient, bon, Vertigo et l'Institution Environnement sont basés à Montréal, vous faites une recherche à Montréal, ou encore, on a tendance à dire aux gens, mais bon, la température va augmenter en ville, prenez l'air climatisé, régler les problèmes. Donc, vous travaillez dans un quartier très dense, relativement pauvre à Montréal, un projet de recherche. Est-ce que vous pouvez finir quelque part en parlant de ce projet-là? Ben, en fait, c'est ça. C'est que la transformation du climat n'épargnera personne. Il y en a qui vont être évidemment plus sous impact et plus vulnérables par rapport à ces impacts-là, compte tenu de la situation existante. Et dans les villes, il y a des personnes vulnérables. On a vu avec la canicule en France il y a quelques années, des centaines de morts au milieu des années 90 à Chicago. Il y a dans une ville, malgré toute sa prétention, toute sa force apparente, ses gratte-ciels, ses infrastructures, ses services, à l'intérieur de ça, des gens qui vont peut-être être plus vulnérables à la canicule, à une transformation éventuellement du cadre de vie, par exemple par rapport à l'eau. Il peut y avoir aussi des questions de nos infrastructures qui n'ont pas nécessairement été conçues par rapport à certaines hypothèses de variabilité du climat, de pluie torrentielle ou même par rapport au niveau des degrés de chute de neige. Donc on va essayer d'apprécier dans un quartier un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'apprécier comment, même si on n'est pas dans la même urgence que on décrit quand on parle du Sahel ou du Grand Nord du Québec, en reste pas qu'on peut déjà commencer à faire percoler ces préoccupations-là dans les politiques que les municipalités, on pense évidemment à la ville de Montréal, comment déjà dans ces politiques on peut intégrer des éléments qui viseront à réduire la vulnérabilité de ceux qu'on aurait identifiés, des infrastructures qu'on a identifiées, des activités qu'on aurait identifiées, des nouveaux risques pour la santé qu'on aurait identifiés, et donc de déjà commencer à s'ajuster d'une certaine manière pour pas être pris le bec à l'eau, c'est le cas de le dire. Donc, on va essayer de voir comment on peut déjà faire percoler ces idées-là dans un processus qu'on appelle le mainstreaming, c'est-à-dire, il y a déjà des politiques, on ne va pas inventer un service de l'adaptation ou un ministère de l'adaptation, mais on peut très bien imaginer que les politiques concernant la santé, la sécurité, la gestion des infrastructures, éventuellement l'appréciation des situations de chacun des quartiers de Montréal, on peut déjà commencer à intégrer des éléments qui vont dans le sens de réduire la vulnérabilité, donc qui vont dans le sens de l'adaptation. Est-ce qu'on parle beaucoup d'adaptation et vulnérabilité au changement climatique? Oui. Bien entendu, il y a d'autres adaptations, peut-être d'autres vulnérabilités que nous avons, pollution atmosphérique, il y a d'autres problèmes environnementaux. Est-ce que les changements climatiques ou les études du changement climatique n'est pas en train d'apporter toute une nouvelle conception de notre relation avec la nature qui pourrait être utile dans d'autres problématiques par la suite ou déjà pourrait utiliser des concepts comme l'adaptation pourrait être utilisé dans d'autres choses? Oui. Ben, en fait, je pense que l'une des retombées de la réflexion qui s'est construite autour de la vulnérabilité des populations a eu pour effet aussi tout à coup de nous mettre en présence d'un constat, c'est-à-dire l'immense fragilité de nos... On n'a qu'à penser à Katrina, à la Nouvelle-Orléans, aux tsunamis, bon, qui sont des phénomènes qui ne sont pas directement liés de façon très très directe au bouleversement du climat, en sont des expressions, pas le tsunami qui est d'une autre nature de problème, mais la transformation des côtes en Thaïlande et ailleurs, suite à une surexploitation de la zone côtière par le tourisme, a rendu vulnérable en faisant disparaître les mangroves, etc. Donc, on est tout à coup en train de regarder comment on a construit façonner des vulnérabilités. Or, qu'on a toujours pensé dans le sens inverse, On s'est toujours imaginé comme se construisant une forteresse. On imagine Québec il y a 400 ans, on voit dans le sens de la palissade, de la forteresse, de la garantir la source d'approvisionnement en eau, l'accès aux ressources, à la nourriture. Et là, on a toujours construit dans cette logique-là. Et tout à coup, on doit prendre un peu de recul et de dire qu'en même temps, on a aussi précipiter, créer des vulnérabilités. Et ça, c'est extrêmement fascinant de voir comment ça peut affecter tout un éventail de politiques publiques désormais, de dire où est la faille, où sont les risques qu'on n'a pas appréciés, comment on peut plutôt être humble par rapport à la nature, par rapport à l'imprévu, et plutôt qu'être prétentieux et de croire qu'on va pouvoir toujours régler avec nos instruments technologiques, notre science avancée, tous les problèmes. C'est un changement d'attitude, dans le fond, qui peut certainement se retrouver dans un ensemble d'actions menées par les gouvernements pour assurer le développement et le bien-être de sa population. Merci beaucoup, ça va être tout. Merci beaucoup pour ces précisions. Laurent Lepage, de l'Institut d'économie et de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Merci à vous.